Tu peux courir au sud quand tu as le cœur en panne, brûler ta solitude dans des feux de savane, et dire que la chaleur c'est ta seule religion, et courir ton bonheur à tous les horizons. Tu peux croire au soleil comme croyaient les Incas, mourir comme une abeille au soleil de Lima, et venir dans mes bras pour me dire que tu m'aimes, quand ce mensonge-là tu n'y crois pas toi-même. Sans amour, le soleil n'existe pas sans amour. Quand tu brûles, c'est que t'as froid côté cour. Rien ne te réchauffera. Sans amour, le soleil n'est qu'un décor pour un jour. Un point blanc, un astre mort sans amour, qui ne touche que ton corps. Sans amour, tu cours après les trucages, les recours. Tu te saoules d'éclairage de faux jours. Ta vie n'est qu'un maquillage, tu te gourres. Tu veux tout essayer pour mieux brûler ta vie, et tourner sur un pied comme font les toupies. Tu veux tuer le temps pour le temps qui te reste, et tenter l'accident sur l'autoroute de l'Ouest. Tu veux tenter le rire et tu n'es que cynique, essayer les délires, les payoles au Mexique, et croire que c'est la vie, et dire que c'est l'amour, et jurer aujourd'hui que tu m'aimes toujours. Sans amour, même le rire n'existe pas sans amour. Quand tu ris, c'est que t'as froid côté cour. Rien ne te réchauffera. Sans amour, la chaleur n'est qu'un décor pour un jour. Le bonheur, un astre mort sans amour, qui ne touche que ton corps. Sans amour, tu cours après les trucages, les recours. Tu te saoules d'éclairage de faux jours. Ta vie n'est qu'un maquillage, tu te gourres. Sans amour, notre vie ça devient quoi sans amour? Ça devient n'importe quoi pour tes cours. On l'avait pas vu comme ça sans amour. Sans amour, le soleil n'existe pas sans amour. Quand tu brûles, c'est que t'as froid pour tes cours. Et rien ne te réchauffera sans amour.